Unité 1. Activité 3. Allô, vite pizza. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais une pizza margarita pour 4 personnes, s'il vous plaît. Très bien, madame. À quel nom ? Dinon avec un N. Vous pouvez épeler, s'il vous plaît ? Il y a du bruit. Oui. D-I-N-O-N. D de Daniel, I de Irène, N de Nicolas, O de Oscar et N de Nicolas. Alors, Dinon, santé à la fin ? Oui. Santé. Votre adresse, s'il vous plaît. 13 rue Ramet. D'accord. Je répète. Une pizza margarita pour 4 personnes chez Madame Dinon. 13 rue Ramet. Dans le 18e arrondissement. C'est ça. Merci, Madame Dinon. Au revoir. Au revoir. Allô, vite pizza. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais 2 pizzas napolitana pour 2 personnes, s'il vous plaît. Au nom de Perry. Myriam Perry. Perry, comme ça se prononce ? Non, avec 2 R. P-E-2-R-I. Votre adresse, s'il vous plaît ? 18 boulevard Lenoir, dans le 11e. Ah, d'accord. Alors, 18 boulevard Lenoir, dans le 11e. Madame Martine Perry, c'est ça ? Non, Myriam Perry. M comme Marc, Y comme Yves, R comme Renaud, I comme Iris, A comme Amédée et M comme Marc. Très bien, madame. Merci. Bonne soirée. Merci. Au revoir.